Ils entrèrent dans le petit village. Les rues vides, silencieuses, gardaient une odeur de mer, de varech et de poisson. Les vastes filets tannés séchaient toujours, accrochés devant les portes ou bien étendus sur le galet. La mer grise et froide, avec son éternelle et grondante écume, commençait à descendre, découvrant, vers Fécamp, les rochers verdâtres au pied des falaises. Et le long de la plage, les grosses barques échouées sur le flanc semblaient de vastes poissons morts. Le soir tombait, et les pêcheurs s'en venaient par groupes au Péret, marchant lourdement avec leurs grandes bottes marines, le cou enveloppé de laine, 1 litre d'eau-de-vie d'une main, la lanterne du bateau de l'autre. Longtemps, ils tournèrent autour des embarcations inclinées. Ils mettaient à bord, avec la lenteur normande, leurs filets, leurs bouées, un gros pain, un pot de beurre, un verre et la bouteille de 3-6. Puis, ils poussaient vers l'eau la barque redressée qui dévalait à grand bruit sur le galet, fendait l'écume, montait sur la vague, se balançait quelques instants, ouvrait ses ailes brunes et disparaissait dans la nuit avec son petit feu au bout du mât. Et les grandes femmes des matelots, dont les dures carcasses saillaient sous les robes minces, restaient jusqu'au départ du dernier pêcheur, rentraient dans le village assoupi, troublant de leur voix criarde le lourd sommeil des rues noires. Le baron et Jeanne, immobiles, contemplaient l'éloignement dans l'ombre de ces hommes qui s'en allaient ainsi chaque nuit risquer la mort pour ne point crever de faim, et si misérable cependant qu'ils ne mangeaient jamais de viande. Le baron, s'exaltant devant l'océan, murmura « C'est terrible et beau. Comme cette mer sur qui tombent les ténèbres, sur qui tant d'existences sont en péril, est superbe, n'est-ce pas, Jeannette ?» Elle répondit, avec un sourire gelé, « Ça ne vaut point la Méditerranée. » Mais son père s'indignant, « La Méditerranée, de l'huile, de l'eau sucrée, l'eau bleue, d'un baquet de lessive. Regarde donc celle-ci, comme elle est effrayante, avec ses crêtes d'écume, et songe à tous ces hommes partis là-dessus, et qu'on ne voit déjà plus. » Jeanne, avec un soupir, consentit. « Oui, si tu veux. » Mais ce mot, qui lui était venu aux lèvres, la Méditerranée, l'avait de nouveau pincé au cœur, rejetant toute sa pensée vers ces contrées lointaines où gisaient ses rêves. Le père et la fille, alors, au lieu de revenir par les bois, regagnèrent la route et montèrent la côte à pas alentis. Ils ne parlaient guère, tristes de la séparation prochaine. Parfois, en longeant les fossés des fermes, une odeur de pommes pilées, cette senteur des cides frais qui semble flotter en cette saison sur toute la campagne normande, les frappait au visage. Ou bien, un gras parfum d'étable, cette bonne et chaude puanteur qui s'exhale du fumier de vache. Une petite fenêtre éclairée indiquait au fond de la cour la maison d'habitation. Et il semblait à Jeanne que son âme s'élargissait, comprenait des choses invisibles, et ces petites lueurs éparses dans les champs lui donnèrent soudain la sensation vive de l'isolement, de tous les êtres que tout désunit, que tout sépare, que tout entraîne loin de ceux qu'ils aimeraient. Alors, d'une voix résignée, elle dit « Ça n'est pas toujours gai, la vie. » Le baron soupira « Que veux-tu, fillette, nous n'y pouvons rien. » Et le lendemain, père et mère étant partis, Jeanne et Julien restèrent seuls.